Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les débuts de l'opéra au Québec. Les chansons de demain viendront du Nouveau Monde. Et c'est à nous, Canadiens, de la province de Québec, d'être les guides vaillants de ce si magnifique mouvement artistique. Les chansons de demain viendront du Nouveau Monde, lance confiant le chef d'orchestre Wilfrid Pelletier à l'occasion de l'ouverture du Conservatoire de musique de Montréal en 1943. La formule est belle, mais nos chanteurs et nos chanteuses, évidemment, n'attendront pas l'ouverture du Conservatoire pour s'illustrer dans le monde de la musique classique et de l'opéra. Mais de fait, quand commence donc cette histoire de l'opéra chez nous? Où entendra-t-on le premier opéra à être présenté ici? Quels opéras seront les premiers à être joués chez nous? Et quel sera donc le premier opéra à être considéré comme authentiquement canadien? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette émission. Il partait en procession, même je vous dirais qu'il devenait un spectacle dans la ville. Les gens disaient, « Ah mon Dieu, c'est la soirée des étudiants ce soir à l'opéra, on va se rendre au coin de Sainte-Catherine là, et Saint-Denis, puis on les va les voir aller. » Ça marchait à la queue leu-leu, avec leur porte-drapeau à leur tête. Ils avaient ordinairement un béret avec les couleurs de leur faculté. Ça chantait, même quelques-uns avaient une fanfare. Et je vous jure qu'au théâtre, ils n'étaient pas silencieux. Ils faisaient beaucoup de bruit. Quand un chanteur ou une chanteuse leur plaisait, ils le manifestaient. Et même à cette époque-là, pendant les entr'actes, il y a évidemment des spectateurs qui sortaient pour aller à la buvette ou au foyer, mais eux restaient dans la salle et distrayaient le public qui demeurait là et ils étaient très bruyants. Sur la musique de l'opéra La fille du tambour major de Jacques Offenbach, qui sera le tout premier opéra à être présenté à l'Opéra français de Montréal le 2 octobre 1893, vous entendiez l'historienne Mireille Barrière qui décrivait l'atmosphère bon enfant, on va dire ça comme ça, qui pouvait régner lors de certaines représentations données justement à l'Opéra français de Montréal à la fin du 19e siècle pour nous raconter les débuts, parfois difficiles, de l'opéra chez nous. Mon invité Pierre Vachon, qui est musicologue, qui est aussi le directeur communication Communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon, bonjour. Ah, bonjour. Ça commence quand, Pierre Vachon, cette histoire de l'opéra chez nous? Ben, en fait, ça commence au début de la colonie, en 1606. Quasiment. Déjà. Quasiment, oui, déjà. En fait, on a toujours l'impression que l'opéra commence au 20e siècle au Québec, qu'on est très, très en retard par rapport à l'histoire de l'opéra en général, qui commence il y a 400 ans. Et il y a une première manifestation en Acadie avec Marc Lescarbot, un voyageur, un écrivain et tout, qui décide de faire une pièce qui s'appelle Le Théâtre de Neptune, en Acadie, au Théâtre Royal, et qui présente donc une pièce avec des chants, des micmacs, des chants amérindiens qui sont intégrés à la pièce. Alors pour moi, c'est comme un début d'opéra parce que c'est la première fois qu'on décide de chanter dans une pièce. Or, l'opéra, c'est du théâtre chanté. Ouais. Et donc, disons que c'est timide comme entreprise, tout ça. Et ensuite, au 17e siècle, il va y avoir les débuts en fait musicaux à Montréal vont arriver avec Maisonneuve qui était luthiste, entre autres choses. Alors, mais c'est très timide quand même au 17e siècle. Et il faut vraiment attendre au début du 18e siècle où tout d'un coup, on se rend compte que des Français qui viennent ici se poser dans la Nouvelle-France, vont arriver et vont apporter avec eux des partitions du grand Lully, le compositeur du Roi Soleil, donc Louis XIV. Et là, on se retrouve avec une vingtaine de partitions chez l'un et chez l'autre, et on se réunit chez les intendants dans leur salon, et on commence justement à faire de l'opéra, c'est-à-dire à chanter des extraits d'opéra de Lully. Et ça, c'est dès le début du 18e siècle. Et de manière assez... À ce moment-là, on est dans le domaine de l'intimité, de la sphère privée. Oui, tout à fait. Oui, parce que n'y a pas de maison de théâtre, il n'y a pas de théâtre public comme ça qui sont ouverts, etc. Et ça se fait donc dans l'intimité, parfois dans les tavernes, aussi dans les hôtels, dans les saloons, etc., donc dans des lieux comme ça. Et ça se développe un petit peu et il faut attendre la fin du 18e siècle où tout d'un coup, au moment où il y a la conquête, donc 1759, 1763 et tout, où tout d'un coup, on commence à voir les soldats qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent des États-Unis et d'ailleurs, donc des Anglo-Américains, si on peut dire, qui viennent ici et qui font du théâtre pour s'amuser et qui utilisent le théâtre, mais le théâtre et l'opéra, j'entends, qui utilisent l'opéra pour chasser un peu les soldats des maisons closes. Et puis, donc, ils utilisent cette musique-là. Alors, on commence à avoir une vitalité lyrique opéra, de l'opéra anglais, de l'opéra léger, ce qu'on appelle le ballade opéra ou encore de l'opéra comique, c'est-à-dire des opéras, des pièces chantées ou alternent des dialogues parlés aussi. Ouais. Quelque chose de plutôt léger, mais on commence à faire de la musique et de l'opéra, donc vers la fin du 18e siècle. Il y a même il y a un opéra, entre autres, qui sera... Ça vaut la peine de le signaler, parce que pour montrer qu'il commence à y avoir une activité lyrique de Padlock, de Charles Dibbon, qui va être présenté de nombreuses fois à ce moment-là. Exactement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on commence à créer un théâtre de société, on commence à avoir des lieux où on présente de l'opéra, et oui, on commence à avoir des œuvres comme ça. Aujourd'hui, ces œuvres-là sont tombées dans l'oubli. Hein? C'est-à-dire qu'on regarde le compositeur Dibbon, on ne sait plus du tout qui il était. Je vous mentionnerai quelques noms anglophones que les gens ont oublié complètement qui ils ont été. Mais cela dit, quand même, c'était la mode de l'époque, donc le ballade opéra, donc l'espèce de pièce vaudeville en anglais, chantée et tout. Et c'est ça qui était de rigueur et on commençait à faire ça. Mais ensuite, il arrive quelque chose de très important, c'est-à-dire de quelqu'un, Joseph Quesnel, quelqu'un qui est un Français qui est venu s'établir ici, et là, qui lui commence à écrire un premier opéra vraiment d'ici, qu'on appelle un opéra canadien. Oui, ce sera ce sera présenté, donc, ça c'est une grande, grande date, pour la première fois, cet opéra canadien, le 14 janvier 1790. Cher protecteur de mon enfance, c'est pour toi seul qu'on se bosque. C'est Pierrette Alary qu'on entend interpréter en 1986 la première scène de l'opéra Colas et Colinette, le bailli Dupé aussi, comme on l'appelle parfois. Cet opéra, donc, c'est Pierre Vachon, le premier opéra authentiquement canadien. Oui, exactement. Composé par quelqu'un qui est établi ici, dans la philosophie de Rousseau, donc l'esprit des Lumières, 14 morceaux musicaux, etc., qu'on a reconstitués. Et 1790, donc, première présentation, et c'est repris ensuite à Québec en 1805, etc. Et ça, c'est les débuts d'un opéra qui est créé ici même, au Canada, le premier opéra canadien. Et ensuite, c'est le début aussi d'une longue lignée d'opéras qui vont être créés, composés, écrits par des gens d'ici, par des musiciens d'ici, qui vont passer par l'Europe, qui vont passer par les États-Unis, etc., qui vont revenir ici, mais qui vont installer, dès le 19e siècle, donc une tradition de création canadienne. Et ça, on oublie, on pense que la création est très récente, que c'est quelques années, depuis quelques années seulement, mais non, la création quand même s'installe dès 1790, s'intensifie au 19e, et puis ça continue. Elle va s'intensifier, puis on y reviendra dans un instant, un peu plus tard au 19e, parce qu'il y aura quand même une parenthèse au début du 19e. Oui, un réel engouement, un intérêt, en tout cas pour l'opéra, pour l'art lyrique, mais au début du 19e, l'opéra qu'on entend ici nous vient d'ailleurs, en gros. Oui, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a une espèce de trou après la Révolution française, jusqu'en 1825-30 à peu près, parce qu'il y a le choléra, parce qu'il y a des problèmes, il y a des crises économiques, etc. Mais tout d'un coup, en 1840, là, la vie lyrique s'installe à Montréal, et là, il y a l'expansion de la navigation maritime, de la navigation à vapeur, il y a l'expansion ferroviaire et tout, et ça, tout d'un coup, on commence à avoir des troupes étrangères, des troupes américaines qui viennent jusqu'à Montréal. Et Montréal devient donc une porte d'entrée, devient un point d'arrêt dans l'itinéraire de ces troupes importantes. Et c'est comme ça qu'à partir de 1840, à Montréal et aussi à Québec par la suite, on commence à avoir des grands chanteurs, des grandes troupes qui viennent ici et que la vie lyrique s'installe et s'intensifie considérablement. Vraiment beaucoup des grands chanteurs, comme je pense à Adelina Patti, par exemple, qui va être élevée aux États-Unis et qui va venir ici très jeune chanter pour l'ouverture du grand Tron, le fameux pont Victoria en 1860. Ouais. Emma Albany va aussi participer à ce concert-là. Donc, on voit des grands artistes qui commencent à venir ici à Montréal et qui vont faire un crochet vers, bien sûr, vers Québec, mais aussi vers Toronto, vers Halifax et vers d'autres villes canadiennes. Et là, les gens commencent à s'intéresser beaucoup à l'opéra. J'ai toujours pensé comme musicologue que l'opéra, que le Québec était en retard et complètement décalé par rapport à ce qui se passait en Europe. Et on se rend compte que pas du tout. Que quelques années après que les œuvres sont créées en Europe, eh bien, quelques années après, elles sont recréées ici par les troupes américaines ou encore les troupes européennes qui vont venir ici à Montréal. Alors, c'est comme ça que, que Montréal devient une plaque tournante importante dans l'échiquier international de l'opéra. Ouais. Et vous parliez de Malbany, dans ce Montréal qui s'éveille à l'opéra et qui prend sa place petit à petit dans ce monde de l'opéra. Il y a des voix qui vont ressurgir, celles de Malbany. On en a parlé déjà ensemble à l'émission. Pierre Vachon, nous rappeler quand même un peu, parce que c'est pas rien, ce sera notre première grande cantatrice, l'importance qu'elle a eue. Ben, c'est-à-dire que c'est la première grande chanteuse internationale, chanteuse québécoise, qui a une réputation, une renommée internationale, parce que très tôt, on se rend compte qu'elle est une prodige. Ils vont partir aux États-Unis avec sa famille, son père et elle, et ensuite, on va l'envoyer en Europe. Et là, à partir de 1870, elle devient une des grandes stars lyriques du monde, toute provenance confondue, c'est-à-dire toute nationalité confondue. On ne parle pas, on parle de celle canadienne, mais elle est l'égale des grands chanteurs de l'époque. Et qui chantera dans les plus grandes salles du monde. Et son importance, c'est le fait qu'elle ouvre la porte aussi à plusieurs autres chanteurs qui vont suivre donc ses pas et qui vont aller en Europe justement pour être formés, parfois travailler avec elle. Mais elle ouvre les portes des grands théâtres, notamment du Covent Garden, donc le Royal Opera House Covent Garden, qui est une des grandes, grandes maisons à l'époque, mais encore aujourd'hui, donc maison internationale d'opéra. Ouais. Bon, il reste que... On évoquait le conservatoire de musique au tout début de l'émission. À la fin du 19e, on est très, très loin du conservatoire. Emma Albany va aller faire ses classes en Europe en passant par les États-Unis. Mais comment ça se passe pour ceux qui la suivront à ce moment-là? Évidemment, je pense que l'Europe sera un passage obligé, mais il y a quand même, il commence à y avoir ici quelques écoles. On essaie de former un peu ces chanteurs. Exactement. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on se rend compte que des chanteurs étrangers viennent ici et on en profite donc pour s'initier, pour être un peu plus formé. C'est beaucoup de musiciens amateurs au Québec qui font la musique, qui font l'opéra au 19e siècle, mais il y a une émulation qui se crée par ces troupes qui viennent. Le chant devient une partie importante. On chante à l'église, on chante un peu partout. Et donc, on prend conscience que le chant peut être une vocation et que le chant, on peut développer une école de chant, qui serait peut-être canadienne ou montréalaise. Et donc, c'est comme ça que ces chanteurs étrangers vont venir influencer et certains vont venir s'établir ici. Oui. Créer des studios privés, donc dès la fin du 19e siècle, et commencer justement à former et à perpétuer leur art. Et c'est comme ça que s'installe à la fin du 19e siècle, donc une tradition de premières écoles de chant. Les chanteurs d'ici, Emma Albany est la première, on a mentionné les États-Unis, c'est vrai qu'il y a deux destinations, ou bien on va à Paris ou en Europe, en Italie, ou on va aux États-Unis pour être formé, pour continuer cette formation, comme des gens comme Calixa Lavallée ou d'autres, Joseph Vézina par exemple, qui vont aller, Guillaume Couture, qui vont s'exiler. Alors ça, c'est, on le voit beaucoup chez les musiciens et chez les chanteurs, mais on commence à voir donc des chanteurs étrangers qui viennent installer une tradition et qui va s'intensifier bien sûr au 20e siècle. Vous parlez de Calixa Lavallée, c'est intéressant parce qu'il sera des quelques compositeurs, parce qu'il y a ces chanteurs, ces chanteuses donc qui commencent à poindre, à émerger, mais il y a aussi des musiciens, des compositeurs qui vont se mettre à l'écriture de l'opéra fin 19e, et Calixa Lavallée sera parmi ces quelques compositeurs. Oh, free from all care, we no trouble see. Let each one be happy and free. Oh, life should all joyous be with mirth and song. A happy throng we pass along. Oh, compass the hours of this very day. Love's laws obey, no one we may. And quickly the time may go, give joy you know. Calixa Lavallée, dont on entend un extrait de l'opéra La Veuve de Widow, il est d'abord présenté cet opéra à Boston en 1881, Pierre Vachon, en anglais. Il est d'abord chanté en anglais. Il sera donc important, lui, Calixa Lavallée. Il écrit cette musique, mais il aura un rôle important dans le développement de l'opéra à Montréal. Oui. Et j'adore cette musique, soit dit en passant. Ça fait penser à Gilbert and Sullivan, qui était l'opérette anglophone très, très connue à cette même époque. Donc, tout à fait dans le ton. Et oui, Calixa Lavallée va être important parce que il va vouloir, lui, créer une troupe d'opéra. Donc, il va créer une société nationale d'opéra et d'opérette et tout dans ces années-là, quand il va revenir à Montréal pour justement présenter des œuvres. Ça va être beaucoup, ça va être des amateurs, bien sûr, quelques professionnels, mais je pense à la Dame Blanche de Boieldieu, par exemple, qu'il va présenter ici, et d'autres opéras comme ça. Ça va être une entreprise qui ne durera pas très, très longtemps. Ça va rester vraiment très localisé et très circonscrit dans le temps, mais ça va donner, en tout cas, l'impulsion et le goût à des hommes d'affaires de créer et d'encourager le théâtre lyrique, le théâtre, l'opéra français aussi, parce que l'enjeu linguistique est un enjeu important et ça justifie donc la création de la première compagnie permanente, là, qui est l'Opéra français de Montréal en 1893. Voilà. Mais donc, alors Calixa-la-Vallée donne une impulsion très importante, donc, à la vie lyrique et vie lyrique française. Et cette vie lyrique, on reviendra sur la création de l'Opéra français de Montréal dans un instant, mais un petit mot sur les lieux aussi où sont présents. Il y a un réseau de salles qui commence, et des salles importantes, là, qui vont faire époque dans certains cas, qui commencent à se développer à ce moment-là. Ben, exactement. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e, c'est surtout l'axe l'ouest, c'est-à-dire à l'ouest de la boulevard Saint-Laurent. Ouais. Et c'est là que les salles vont commencer à se développer. L'Académie de musique, par exemple, où se trouve le Centre Eaton, jadis. Ensuite, la rue Sainte-Catherine est un axe important jusqu'à la rue Guy. Alors oui, His or Her Majesty's Theatre, etc. Ensuite, le Théâtre Royal, le Marché Bon Secours à Montréal, pour ceux qui connaissent. Donc, ça a été le lieu du premier théâtre de spectacle francophone à Montréal, mais même, on dit, au Canada, donc qui a été fondé en 1825. Et donc, une série de théâtres où on va présenter justement des œuvres et où les troupes étrangères vont se produire dans ces théâtres. Et l'axe ouest devient donc très important jusqu'à la fin du 19e, où là, tout d'un coup, le fait français étant important, on va développer l'Est, c'est-à-dire tout ce qui est à l'Est de la rue Saint-Laurent et sur Sainte-Catherine et autres. Ouais. Donc, oui, il y a une série de théâtres et c'est ce qui va encourager les gens, justement, à fréquenter les théâtres et à vouloir entendre de l'opéra, de tout genre d'opéra. Opéra léger, opéra plus sérieux, en français, en anglais, on présentait ça dans toutes les langues, etc. Et on revient à cette date très, très importante, 1893, la date, l'année, en fait, où sera créé ce fameux opéra français de Montréal. On écoute l'historienne Mireille Barrière, à nouveau, qui nous parle du contexte dans lequel sera créé, justement, l'opéra français de Montréal. En 1889, le Parc Sommer est fondé. Et c'était un parc, tout d'abord, qui était musical. On présentait de la musique populaire, mais aussi son fondateur, Ernest Lavigne, en profitait pour passer des messages plus sérieux. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1891, Lavigne veut former un orchestre symphonique au parc. Ça n'a pas duré longtemps, mais ce qui a été durable, c'est que des musiciens européens, particulièrement belges, qu'il était allé chercher pour former cet ensemble-là, se sont installés ici. Et je pense qu'on peut dire qu'ils ont été largement responsables de la fondation de l'Opéra français en 1893. D'ailleurs, on les retrouve à l'orchestre et on va les retrouver même plus tard là, dans ce mouvement musical qui va étonnamment se développer à la fin du 19e, début 20e. Alors, la création de l'Opéra français de Montréal, c'est, il faut insister, c'est un jalon important. Oui. Pierre Vachon, ça va durer un peu de temps, 3 ans, mais on reviendra sur les circonstances de la dissolution de tout ça. Mais la création de ça, c'est très, très important. Comment il est créé? On en a un petit bout de l'explication avec Mireille Barrière, mais comment il est créé, cet Opéra français à Montréal? Bon, en fait, je parlais du fait linguistique et on prend conscience que créer de l'opéra en français est essentiel. On a eu la pendaison de Riel il y a quelques années avant, etc. Montréal est devenu, on veut affermir la place de Montréal comme métropole du Canada et ça passe par la création d'une compagnie permanente. Alors, l'Opéra français de Montréal, l'important, c'est que c'est la première compagnie permanente d'opéra, c'est-à-dire que pendant 3 ans, on présente à peu près 600 représentations d'opéra, donc ce qui est énorme, des saisons qui font de 5 à 7 mois, et ce sont des hommes d'affaires québécois, francophones, donc la nouvelle élite ou la nouvelle petite bourgeoisie franco-canadienne qui se met et qui décide de se prendre en main pour créer et développer un modèle d'affaires pour faire exister les arts. Ce ne sont pas que des hommes d'affaires, ce sont aussi des gens qui encouragent la culture. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de subvention gouvernementale à ce moment-là. Et donc, les actionnaires deviennent essentiels et on veut prouver au monde que Montréal, que les francophones de Montréal peuvent aussi faire de la business culturel autant que les anglophones chez qui il y a une tradition qui est déjà installée. Et donc, c'est une entreprise qui est énorme. Et on va chercher des gens en Europe, en France essentiellement, et on fait venir donc ces troupes de France pour implanter la vie lyrique à Montréal grâce à cette compagnie permanente. Alors, ce ne sont pas des Québécois qui chantent dans cet opéra français, ce sont des Français, et c'est beaucoup d'opérettes, d'opéras comiques, de l'opéra de temps en temps, peut-être un tiers du répertoire, c'est de l'opéra, et ensuite du théâtre aussi qui est chanté. Donc, ça donne une impulsion très, très vive, et c'est de là que date cette effervescence lyrique de Montréal à cause de cet opéra français. Et pour les gens qui veulent le situer, ça se situe sur où se trouve aujourd'hui le Métropolis. C'est là que se trouvait l'opéra français. Ouais. Et là, quasiment tous les soirs, on y allait. Et ce qui est intéressant, quand on lit un peu des articles qui ont été écrits sur cette courte existence de 3 ans de cet opéra, c'est qu'il est tellement important qu'on va assister à la naissance d'un débat. Les 3 années où l'opéra existe, on débat sur la qualité, bien sûr, de ce qu'on y présente, mais plus intéressant encore, on débat sur la pertinence de critiquer ou pas cette qualité. Quel degré de qualité peut-on exiger de cet opéra? Parce qu'il est tellement important. Est important. Oui, ouais. C'est fou, effectivement, mais en même temps, je pense que les gens réalisent que la qualité est essentielle et ça explique la raison pour laquelle cette compagnie a périclité 3 ans plus tard. D'une part, par l'abondance du répertoire, un répertoire un peu usé, disons, donc, et en plus, c'est que la qualité inégale a fait en sorte que les gens ont arrêté d'y aller. Ouais. Et ça, donc, on s'est rendu compte que non seulement il faut présenter du théâtre lyrique, mais il faut que ça soit d'abord des artistes de qualité, mais que toute la production soit de qualité. Et vous savez, c'est encore le même débat aujourd'hui. Ouais. On explique donc l'attirance ou l'attrait pour l'opéra aujourd'hui, au 21e siècle, par justement des spectacles de qualité. Et le mot qualité est un des critères premiers pour produire des choses, pour attirer des gens et assurer la survie des compagnies. Alors, l'Opéra français de Montréal, donc, ouvre la porte ou nous conscientise là-dessus sur à la fois la qualité des troupes qu'il faut présenter, bien sûr aussi le modèle d'affaires, parce que Montréal est une ville effervescente, mais quand on compare avec une ville comme New York, il y avait 10 fois trop de production, on n'avait pas le bassin de population, on était à peu près à 250 000 de population à ce moment-là, et on ne pouvait pas leur offrir 4-5 opéras ou théâtres par semaine, c'était absolument affreux. Mais par contre, ça a permis justement de créer des associations de musiciens, donc les syndicats ou la guilde des musiciens, c'est le premier jalon de ça parce que les musiciens ont été syndicalisés. Ensuite, on canadianise aussi la troupe. Ce sont des francophones qui se trouvent des moyens financiers, qui sensibilisent les gens aussi à la culture. Et là, tout d'un coup, il y a une impulsion et l'opéra s'ouvre et ça va créer toutes sortes d'autres entreprises après qui vont créer des compagnies qui vont durer peut-être pas si longtemps, mais ça va créer des entreprises et un besoin, en tout cas, du théâtre lyrique. La première pierre est posée à ce moment-là. Pierre Vachon, c'était fascinant, musicologue, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.